FM, pas d'état, pas de stand-by. Compilé plein de MC sur un thème. N, Ben, Ven, Récuem. Être, je suis ce que je suis et fais l'apologie de mon ethnie. De l'Éthiopie, abrutis sont ces renois. Le pénis, pantin, ils serviront de dîner après le sacrifice. Sacrifier qui? Sacrifier quoi? As-tu oublié le tuto sur le soldat aux abois? Et que chaque mot, chaque phrase qui sort de ma bouche fait aussi mal qu'un fusil rempli de cartouches. Ouais, les flammes noires crépitent blanches. Le noir cogite un sens, aux valeurs une chance Satan. Connais son taf, c'est à des plats pris pour la flamme du néant Le Pen. Un fils maigret mais pour qui coulera le sang quand j'ai le glaive du méchant crève. Ras les yeux des incrédules, rêveux jugement pour apaiser les cœurs des frères de misère, je prie pour les peurs des enfants de cette terre. La secte FNCHS, le M, A3 et la peste, les maîtres sont sans reste des mêmes. Si ma foi me guide, mes pensées me rident, qu'enseigne un étranger dans ce monde, quelqu'un pour qui combien de péchés se confondent. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non aux visites l'air du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non aux visites l'air du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rien de funky que des bastos noirs dans ta stéréo. Un flingue tombe, synchro, technique de négro mec. Ton délire à deux sous ses raids, du blague au micro. Le topo d'aujourd'hui est à mort dans un tombeau. Mes frères refoulés, frères la race aryenne, forment un mouvement uni, mais qu'à cela ne tienne. Underground, cela doit être officieux. Officiellement loin, oui très loin des yeux bleus. Pas d'exception, leur intérêt est flagrant. Avançant doucement, mais malencontreusement. Guerrier en première ligne, pas d'avertissement. La sédition arrivera calmement. Je suis un pionnier, avenir de demain. Infatigable éclaireur, contre l'exploiteur. L'intarissable source, longtemps abusée, désobligeante. Les générations à venir seront intransigeantes. Si ma langue était un couteau, combien de gens j'aurais blessé? J'aurais fouetté ceux qui disent la France aux Français. J'accuse la cause de nos retards l'infecte. Après m'avoir pillé, pense que je bouffe dans leur assiette. J'informe les tensions sans perdre mon timbre invocateur. Pendant que certains rédigent des mémoires en perdant la leur. FN, droite, gauche, rien à creuf, tous sont dans le même sac. Mon flot affreux les frappe comme le ressac. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au bout du philo, mal sinistre et philo la ramène, chargée comme des guns, des rimes de plomb face au FN. Touche pas à mon pote, sinon les lascars lâchent les rôdes. Tous lascars ça papote et divulgue des sottes. Dis, manque, noie-toi dans la bêtise. Pendant qu'on te méprise, te discrimine, analyse, aiguise ton esprit à la recherche d'une place assise. La montée du FCF, 15% faut que tu réalises. Le front je vise, par mes vers je brise. Mes analyses de presse qui se passe et qu'on banalise. Élise, des mères d'extrême droite deviennent plus fat, leur emblème s'enflamme. Faut pas qu'on les rate. Faudrait chasser, chercher le mal où il est. La gauche ou la droite au pouvoir, on est face au même poulet. Les mêmes charters, les mêmes galères, même par terre. Faudrait avoir l'esprit libre et ne pas se taire. On parle de solution, mais de quel remède il s'agit? Essuyer le sang qui coule et croire stopper l'hémorragie. Mon calumet n'est pas celui de la paix. Les gardiens de la paix tirent à des couilles, tu causes ou tu tais. Y'a ceux qui grognent, gênent, râlent et tempêtent. Et ceux dont la sérénité des armes, plus d'un être. Être un bonhomme de nos jours ne pas dire avoir une grande gueule, non. C'est celui qui sait à quel moment fermer la gueule au front. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée, sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée, sachant dire non. Au fils d'Hitler du front assassin oublié. À la montée de la croix gammée. Sachant dire non. Rééduquer les adultes et enseigner les enfants à la montée de la croix gammée.